Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On humecte nos gosiers avec Xavier Antoire et sa collègue Tais-toi et cuisine. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. C'est le résumé des nouvelles geeks dans Cynix. Xavier, Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, on t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 26 mars. 2012. La grève est finie. La grève est finie, effectivement. Mathieu, tu fais bien de préciser ce matin. Donc, si vous avez des cours le lundi, ben levez-vous, vous êtes en retard. Oui, c'est ça. Pas mal. Désolé de vous apprendre ça vite de même, mais bon. On va se tenir au courant de cette situation de grève. Il y a eu des développements, encore une fois, des gens qui ont fait signer des pétitions pour peut-être ramener la grève. Oui, mais on parle d'une autre assemblée générale là, qui va avoir lieu. Écoute, là, j'ai pas de date à te donner là, ici ce matin. Par contre, écoute, on va essayer de mettre la main sur quelqu'un de l'OGE. Comme ça, on va avoir des détails un peu plus précis. Voilà. On vous tient bien informés ici à Assemblage requis. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir Xavier Antoire ou Xavier. Xavier. C'est la nouvelle mode de dire ça. Les jeunes disent ça. Et puis en grande primaire, je sais qu'il nous écoute tout le temps avant de venir faire sa chronique. T'sais. Désolé d'ailleurs pour lui. Oui. Exactement. Écoute, Xavier, je t'ai rien amené ce matin. Parce que faire un gâteau. Je sais. Écoute, mais la fin de semaine a passé un clin d'œil, donc j'ai carrément oublié. Je m'en suis rappelé ce matin. Par contre, j'ai un chocolat chaud. Je sais pas s'il voudrait. Tu aurais dû faire comme à un super presque parfait, aller acheter son magasin. Faire part ça pour. Ouais, j'aurais pu, mais en même temps, alors que je m'en viens, les magasins sont pas ouverts. Des défaites. Ben là. Ton chocolat chaud, il a l'air bon. Je suis sûr qu'il apprécierait bien comme ça. Ouais, mais en même temps, il va être froid mais pendant qu'il va arriver. Fait que je vais peut-être le boire. Bon, laisse-moi faire. C'est pas grave. Donc, je l'aime quand même. Oui. Chose G est à 8h ce matin avec sa chronique qui est Tais-toi et cuisine. Ensuite, à 8h30, la chronique de Nicolas Ducharme de l'Écoute Trois-Rivières. On va parler de sport. Oui, ben exactement. Oui. Là, c'est sûr qu'on va parler des Patriots hockey. On va parler des Patriots soccer, évidemment. Je pense qu'on va faire un petit tour dans la NFL aussi parce que gros scandale là, qui est arrivé. Et puis, je pense qu'on va parler de golf aussi. Tiger Woods qui a gagné hier depuis... ça datait, je pense, depuis 2009. Oui, le tournoi des maîtres. Hein? Ouais. Ça fait là. Donc ça, c'est à 8h30. On va aussi avoir la chronique Geek CNX en première heure. On va résumer les nouvelles geeks depuis un bout, hein? Depuis un petit bout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique CNX. Exactement. Et un peu plus tard dans l'émission, on vous représente les candidats rapidement, juste par les noms, parce que les élections commencent, les élections évidemment de l'OGE UQTR commencent aujourd'hui. Oui, voilà. Donc on va commencer notre émission en musique, avec des choix musicaux que tu nous as fait, François-Olivier, ce matin. Tu as pris une belle initiative de nous amener de la belle musique. Oui, exactement. Bon, évidemment, c'est des trucs qu'on a déjà fait jouer ici, mais qu'on essaie de ramener là, en dessous de la table. Oh. On commence avec les vulgaires, les Cowboys Fringants, excuse-moi. Oui. Je vais me réveiller moi aussi ce matin. Ben, c'est piton. Hey, c'est télé, la pièce qui parle de Star Academy. Vous êtes dans une zone à 98% sans Star Academy. Vu qu'on vient de le dire deux fois, là. Images d'elle dans les magazines ou un boîte de cocktail au fond d'une limousine. Y'a des photos coquines qui circulent sur

magicien du hasard. Qu'en dirais-tu si j'étais noir? Où est donc un me verrais-tu encore comme une tache sur ce drapeau? Lui qui te nourrit de fiel. Je vole avec les corbeaux. Xavier Caffeine avec la pièce Les Corbeaux. Pas mal meilleur que le groupe de musique Les Corbeaux, là. Corbeaux, juste Corbeaux. Corbeaux, ouais. Et ça, c'est pas bon. Mon avis, mon avis. Donc, Les Corbeaux de Xavier Caffeine. Maintenant, François, changement de plan. Vu qu'on n'a pas Kiwan aujourd'hui, Kiwan en cavale, qui est en congé, en fait, il va être de retour la semaine prochaine. On peut se permettre un petit bloc. Il était deux fois, je pense. Oui. Yeah. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Tu sais, quand tu vois que les groupes ont des petites chansons de même, courte, on peut pas en mettre deux de suite, hein? Ben oui, tout à fait. On n'est pas des robots, on a des émotions. Je suis un robot. Oui, oh, Colin. On s'en va entendre du I'm a Robot, d'où le lien douteux ici avec les robots. Et François, tu nous présentes deux pièces de l'album de I'm a Robot, celui qui s'appelle I'm a Robot. C'est bien ça, il n'y a pas de titre celui-là. Hein? I'm a Robot. I'm a Robot. I'm a Robot. Et on va commencer avec laquelle? A is for action. Et puis l'autre, je sais pas, en fait, je te laisse à ta guise, okay. Mathieu Plante. Bon, ben, on est... Ça sera une surprise. Tout l'assemblage avec lui. A is for action. P is for paranoid. A is for anger, out here in the void. C is for countdown, O is for over. Let's if you're let's smash down my window. Thank you. hit me low. Time doesn't slow down for those who dream. I wake only to hear this game. You were the best love I ever had. You hit me high, you hit me low. Time doesn't slow down for those who dream. I wake only to hear this game. Deux pièces de I'm a Robot dans le bloc. Il était deux fois Assemblage Requis. Ça, c'était la pièce Scream. Scream. Et avant, c'était A for Action. Ouais, exactement. Hey, ça faisait très, très, très, très, très, mon Dieu, trop longtemps qu'on n'avait pas entendu I'm a Robot. Ouais, et quand on entend, on se dit, une, c'est pas assez. Ouais, vraiment, vraiment. Scream a vraiment fait de mieux. Ouais, ben les pièces sont tellement courtes là-dedans. Faut bien se permettre ça de fois de temps en temps. Ouais, exact. Donc, le bloc, il était deux fois où on vous passe évidemment deux pièces d'un seul et même artiste et ou groupe, mais surtout où. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est rarement les deux en même temps. C'est bon. Donc, Assemblage Requis, 7h21. Tout à l'heure, on vous annonce pour la première fois qu'on va parler avec Ariane Cossette de la GEQTR. On va parler de la plus, des plus récents développements dans la situation de la grève générale limitée. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains jours? Est-ce qu'il va y avoir quand même des moyens de pression sur le campus? Mm-hmm. Vous saurez vers les 7h30. C'est tout à l'heure. Pour l'instant, on sait que la grève en tant que telle a été défaite. Ouais, c'est ça, exactement. Dans un rapport, 59% ont voté contre la poursuite de la grève. Après ça, c'est quoi, 59-38 pour et 3% d'abstention. Voilà, exact. Et tant qu'à parler de la GE, on va parler aussi des élections de la GEQTR plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on écoute Charlie Winston. Voici Hello Alone au 89 FM. C'est fou dans vos salles. Vous êtes pas tout seul? Et bonjour. Non. Bonjour, pas tout seul. Au lieu de bonjour tout seul. Hello Alone. It's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you might as well come in. We've been making beds for so long now. I never told you that I want you. I thought I had you out of my head. Yeah, yeah, yeah. Every time she leaves me, refusing to believe me, you're always there. And even though I don't invite you, and your presence is a pain, you always let me be just who I am, until I'm glad to bring back that the frame again. Hello, hello. Never met. Ooh, hello, alone. You might as well come in. We've been shaking hands for too long now. I even tried to reconvince you, but it was just no use at all. Whoa, 'cause every time I climb inside your mind, I saw the mirror on the wall. But it's no use to pose the question, no, when the answer's never she. And then I have to face up to the facts, with saxophones and old trombones carrying me home to say hello, alone. It's you and me again. How can we pretend we've never met? Alone, alone, you might as well come in. We've been making beds for forme dans le bois de mer. Des animaux ou des baissés que gosses. Toi tu as ce talent, toi tu as ce talent. Tu vois à travers les hommes, les murs et les manteaux de poil. Moi je vois à travers les fenêtres quand elles sont ouvertes. Toi tu as ce talent, toi tu as ce talent. Donne-moi. Restez là après la pause, on parle avec Ariane Cossette de la grève générale illimitée à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Tantôt, on aura peut-être une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Petite mauvaise nouvelle derrière nous. Non! Mais on veut pas déplaire aux gens tout de suite. On veut les garder de bonne humeur. Un peu. Fait qu'on va l'annoncer plus tard. C'est ça, plus tard. Pour l'instant, on va parler avec Ariane Cossette de la GEQTR pour revenir un petit peu sur la grève générale illimitée qui s'est terminée rapidement, aussi vite que ça a commencé, finalement. Donc, bonjour, Ariane. Allô? Ça va bien? Ben oui. Formidable. Donc, c'est ça. Écoute, vendredi vers les 4 heures, si je ne me trompe pas, en fait, il y a un vote qui est sorti concernant la grève. Oui, effectivement, on a reçu les résultats du vote électronique qui s'était tenu depuis mercredi matin jusqu'au vendredi midi. Okay. Et les résultats ont été de 59% contre la reconduction de la grève générale illimitée, 38% en faveur et avec 3% d'abstention. OK. Et puis, le nombre de votants, ça peut ressembler à combien? C'était autour de 6200. Je crois que le chiffre exact est 6320. Donc, c'est quoi? Je calcule très mal, le deux tiers, finalement, genre? Oui, exact. C'est 65% des étudiants membres de la GEQTR qui ont exercé leur droit de vote. C'est un record? Oui, un record de tous les temps. Là. Ouais, Le quorum était de 25 %, donc ça s'est battu là. Très facilement. Très on bien. Pensait bien qu'on n'avait pas vraiment de doute là, sur ouais. le fait qu'on allait atteindre le quorum requis. Donc, formidable. Mais écoute, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Là, évidemment, en fait, il n'y aura pas de barrage pour ralentir le trafic, je pense, à l'université. Non. Maintenant que la grève est terminée, on n'a aucune raison d'avoir des salles de classe vides. Mais ce qui s'en vient, ben, on va revoir un nouveau plan de mobilisation, puis d'action, puis de mobilisation. On parle entre autres probablement d'une manifestation à Trois-Rivières, une manifestation d'un peu plus grande envergure. On parle aussi de trouver d'autres moyens de se faire entendre, de donner de la visibilité pour dénoncer la hausse des frais. OK. Donc, tout ça, en fait, là, fait par l'UQTR ou par des étudiants LQTR ou évidemment, en fait, vous allez chercher à rejoindre le plus d'appui possible avec, exemple, le cégep, le collège? Oui, effectivement, on va essayer de regrouper nos acteurs régionaux qui sont contre la hausse. On a parlé, un peu du cégep, pas juste de Trois-Rivières, Victo aussi. Et on va aussi essayer d'avoir les appuis de l'Université du Troisième Âge, de l'UTA. On aimerait ça qu'ils soient avec nous. Pour dénoncer ça. Par ailleurs, on a eu beaucoup de courriels, de petits mots d'encouragement de la part de ces gens-là. Fait qu'on veut les inviter à venir avec nous. Ah, c'est cool, ça. Bien pensé. Et puis, écoute, il y a une rumeur qui circule, là, comme quoi qu'il y aurait peut-être une autre assemblée générale. Par des gens qui ont fait signer des pétitions. Ouais, c'est ça, exactement. Et peut-être qu'on pourrait repartir en grève. Pour l'instant, il y avait une seule pétition qui avait été déposée. Par contre, mais c'est actuellement complètement sur la glace parce que l'étudiant en question a retiré sa pétition. Okay. Donc, il n'est pas question dans un avenir immédiat, du moins pour l'instant, de tenir une nouvelle assemblée générale. OK. OK. Donc, en fait, pour les prochaines semaines, si les gens veulent rester informés, savoir, veulent peut-être vous encourager, quoi que ce soit, peuvent aller vous voir à vos bureaux de l'AGE ici? Oui, tout le monde est bienvenu. Vous avez des questions, vous avez des idées, il y a un petit projet, il y a quelque chose qui vous dit « Hey, ça, ce serait le fun de faire ça pour dénoncer la hausse. » Ben, venez nous voir. Surveillez aussi les pages Facebook, la page web, puis vos boîtes de courriel quand on va avoir des projets, des actions à mettre en branle. C'est certain qu'on va tenter d'informer la plus grande part possible de nos membres. Évidemment, l'AGE va informer C'est fou aussi, et C'est fou va informer la population aussi. Mais oui, évidemment. Bon. Merci beaucoup, Ariane Cassette. Merci beaucoup, Ariane Cassette. Voilà. Ben, bienvenue. Très apprécié, comme ça, le matin, là. Ben, bonne journée. Bonne journée. Merci à vous aussi, Ariane Cassette, qui est vice-présidente aux finances et développement ici même à la GEUQTR. Oui, on la remercie. Pour l'instant, on s'en va entendre du Peter. C'est encore un autre choix de François-Olivier Marchand. Oui. Hey, on dirait qu'il s'arrête pas d'être mes choix ce matin. Ben, c'est ta journée, il faut le croire. Hein? C'est ma journée. Hey, et la mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient qu'on vous la dise, là, Xavier Antoar ne sera pas avec nous ce matin non plus. Non. Donc, pas de Kiwan et pas de Xavier. Par contre, la chronique Geek CNX s'en vient, puis on va remplir ça avec plein d'affaires. Puis Nicolas Ducharme est là quand même, ben oui. Vers les 8h30. Ouais, c'est ça, si on lui dit ça, il va faire une crainte d'une heure. C'est Assemblage requis, 7h36. Yeah. Peter et la pièce, rien ne nous rassemble à Assemblage Requis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu dire à Rassemblage Requis. Rassemblage Requis. Hey, on parle de choses geek, juste un petit peu. Vas-y donc. Ouais, c'est CNX, c'est pas, ce sera pas un petit peu, c'est rarement un petit peu. Chronique CNX en ce lundi matin. Évidemment, on n'a pas eu de chronique depuis mardi passé. C'est-à-dire qu'on a eu reçu des candidats aux élections de la GE, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour une chronique. Donc, on va résumer les nouvelles depuis mardi. Commençons avec un sujet très, très controversé. C'est la demande de mot de passe Facebook par les employeurs. Cette semaine a été marquée par des histoires de candidats de travail contraints à donner leur mot de passe sur Facebook à de potentiels employeurs. Tandis qu'une vérification, oui, c'est ça. Tandis qu'une vérification de l'activité sur les réseaux sociaux est pratique courante, nous dit l'article de branchezvous.com, la tendance à demander les codes d'accès à divers sites a pris de l'ampleur aux États-Unis et a récemment été condamnée par Facebook ainsi que le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Ce dernier est d'ailleurs en train d'écrire une proposition de loi qui empêcherait les employeurs de faire une telle requête. Je cite, « Je suis très troublé par ces pratiques qui se répandent rapidement à travers le pays. » Il parle d'une déraisonnable évasion de la vie privée qui n'est pas nécessaire puisque les employeurs ont d'autres méthodes pour obtenir de l'information. Il apporte, oui, certaines nuances. Sa proposition de loi prendra en considération des situations spéciales, notamment pour des postes au sein de la police ou d'agences gouvernementales particulières. Je pense que c'est compréhensible. Le sénateur du Connecticut tente ici de combler un vide juridique concernant cette pratique pour le moins douteuse. Il n'existe aucune mesure coercitive pour empêcher un employeur de demander le mot de passe de Facebook à un candidat en entrevue. De son côté, le responsable en chef de la confidentialité chez Facebook, Aaron Egan, a vivement condamné la pratique. Je cite, « Nous ne pensons pas que les compagnies devraient agir ainsi parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. Il est important que tout le monde inscrit sur Facebook sache qu'ils ont le droit de protéger leur mot de passe et nous allons faire de notre mieux pour défendre ce droit. Reste à savoir si la loi va être adoptée. Chose certaine, c'est que Richard Blumenthal compte rédiger la proposition de loi très rapidement. » C'est quelque chose. Hein. Tu vas passer une entrevue et puis, hey, c'est quoi ton mot de passe Facebook? Ben, c'est ça. Voyons, c'est ça. C'est bizarre, ça. Tu sais, si c'est pas public, ça t'appartient. C'est bizarre. Ça t'appartient. Ah, vraiment très bizarre. Très bizarre. Parlons d'iPhone maintenant. iPhone 4 aurait explosé durant une charge. C'est une Américaine qui affirme, photo à l'appui, que son iPhone 4 a explosé en pleine nuit alors qu'il était en charge sur sa tablette de chevet. Une habitante du Colorado a révélé au site Mashable que son iPhone 4 était littéralement parti en fumée pendant qu'elle dormait. Le smartphone était alors en charge, placé sur la table de chevet. Pour appuyer ces affirmations, cette personne qui a voulu garder l'anonymat a envoyé une série de photos qui montrent effectivement un iPhone 4 carbonisé, l'écran et la coque déformés sous l'effet de la chaleur. Elle dit avoir contacté Mashable pour avertir les autres utilisateurs d'iPhone car Apple n'aurait pas voulu reconnaître publiquement ce problème. Il s'agit du premier cas de ce type aux États-Unis, mais le site rappelle que des incidents similaires ont déjà eu lieu fin 2011 en Australie et au Brésil. Vous pouvez aller voir la photo de l'iPhone explosif sur assemblagerequis.com. Voilà, l'article de CNET France. Toujours au sujet de téléphones cellulaires, des cellulaires volés littéralement arrachés des mains à Ottawa. C'est la nouvelle mode, malheureusement. Le réseau de transport public à Ottawa est devenu le site favori des high voleurs, comme les appellent les enquêteurs, qui arrachent littéralement les téléphones cellulaires et lecteurs numériques des mains des citoyens aux arrêts d'autobus et dans les véhicules de transport en commun. Erin Murphy, une utilisatrice du transport en commun dans la capitale fédérale, entend parler régulièrement de ce type d'incident. Elle mentionne que les gens se sentent de moins en moins en sécurité. Je cite, « Mardi, un individu s'est emparé du cellulaire d'une femme à la station Blair à 16h en plein après-midi. Elle a couru après lui en lui demandant d'arrêter et en criant, il a volé mon téléphone. Il y avait des douzaines de personnes autour qui ont regardé sans réagir. » La police d'Ottawa recommande aux citoyens d'être aux aguets. Les voyous préfèrent commettre leurs méfaits dans un autobus puisqu'il n'y a généralement aucune caméra de surveillance. Ils sont intelligents quand même, hein? C'est quasiment... Je trouve ces articles-là, ce que j'aime, c'est vraiment comme les conseils qu'ils donnent aux voleurs. Ouais, allez-y, là. C'est moi. Je vais pas pogner. Certains suspects montent à bord d'un autobus, pas nécessairement pour aller du point A au point B, mais pour trouver des occasions pour mettre la main sur des appareils. Les services de police de Montréal et de Toronto ont aussi demandé aux citoyens d'être vigilants dans le réseau de transport public en raison d'une recrudescence des vols d'appareils électroniques. Soit c'est quelque chose que, depuis toujours, qui me fait un petit peu peur, moi. De sortir des gadgets dans un autobus ou en public. J'ai jamais aimé ça, puis je me retiens de le faire. Ben, ici, à Trois-Rivières, je pense que... Ouais, mais des gadgets tellement... qui sont plus chers, peut-être moins, tu sais. Bon. Non. Bon, je sais pas. Moi, j'ai confiance. Peut-être plus à Montréal, dans le métro, là. Ouais. J'avoue. Je sais pas. J'avoue, c'est moins pire, Trois-Rivières. Puis ici, les transports communs, mais c'est pas la grosse manne, là. Non, c'est ça. Il y a trois personnes dans l'autobus, là, les chances que... Tu le vois venir, là. C'est ça. Des tatouages magnétiques qui vibrent quand le téléphone cellulaire sonne, François. Mais... On est rendu là. Nokia a déposé une demande de brevet pour des tatouages magnétiques qui vibrent pour alerter l'utilisateur quand son cellulaire sonne. Nokia parle de matériel magnétique tatoué, estampé ou vaporisé sous la peau de l'utilisateur et jumelé avec un appareil extérieur. On suggère différentes vibrations pour différents messages, une longue vibration, plusieurs courtes, un peu comme du code Morse. Hein. Je cite, « Des exemples d'applications pourraient être une indication de batterie faible, un message reçu, un appel reçu, une alerte de calendrier, un changement de profil. » C'est ce qu'on peut lire dans la demande qui mentionne que le matériel pourrait être utilisé au bras, dans la zone abdominale. Ou au doigt, François. OK. T'as le doigt qui te shake pendant que t'es en train de faire un message texte, t'es en train de jouer à des jeux vidéo. L'appareil pourrait également servir pour prouver l'identité de son utilisateur dans différentes circonstances. Hein, moi, je shake comme ça, c'est mon téléphone. C'est moi, je suis bien moi. Même si Nokia n'est pas la seule entreprise à travailler sur de telles innovations, l'entreprise se démarque par ce projet qui oblige une certaine pérennité, une façon extrême de conserver un client, peut-être. Nos recherches suggèrent que pour les utilisateurs qui sont habitués aux réactions haptiques d'un téléphone ou d'une tablette, les autres appareils qui n'en offrent pas semblent morts. Quand ça bouge pas, c'est pas utile. Non. Donc voilà pour cet article de Branchez-vous. Maintenant, allons-y avec du Google. Tiens, Google qui vient de recevoir un brevet aux États-Unis qui lui permet de récolter les bruits de fond et autres informations environnementales à des fins publicitaires. Hein? Des bruits de fond? Ouais, ce qui se passe derrière toi. L'entreprise a en effet imaginé un système qui permettrait aux annonceurs de cibler leur clientèle non seulement grâce à la géolocalisation, mais aussi grâce aux éléments qui entourent l'utilisateur d'un appareil mobile. Le projet s'appelle le brevet, c'est un mélange entre brevet et projet, qui s'appelle publicité basée sur des conditions environnementales, permet à Google d'utiliser différentes informations enregistrées par les capteurs d'un appareil mobile, comme la température, l'humidité, la luminosité, les sons, la composition de l'air, pour suggérer à son utilisateur des publicités. En croisant ces données avec celles de la géolocalisation, il serait possible de proposer des manteaux d'hiver en vente dans un magasin tout près lorsque la température frôle moins 20, d'indiquer le prochain comptoir à slush lorsqu'il fait trop chaud, ou encore vous proposer d'acheter le disque d'un artiste qui joue sur la scène d'un festival où vous vous trouvez en ce moment. Non. Ça va loin, là. Ça va très loin, ouais. Bien que Google indique dans son brevet que la protection de la vie privée des utilisateurs demeure de première importance, on peut se douter que cette pratique aura à faire ses preuves en la matière, dit l'article. Comme le souligne le site GeekWire, rien n'indique que Google aurait l'intention d'utiliser sa technologie dans un avenir prochain. C'est juste un brevet, et des brevets, il y en a des centaines de milliers qui se proposent à chaque jour. T'as peut-être entendu parler de cette nouvelle-là, François, il faut y mettre un petit bémol. Chrome bat Internet Explorer. Vous avez entendu partout la nouvelle. Chrome bat Internet Explorer. Internet Explorer s'est rendu une grosse marque. Ouais, j'ai dit ça. Hein? J'ai pas fini mon mot aussi. Ouais, mais c'est pas nécessairement le cas. C'était pendant une fin de semaine. Ah, ouais. Okay. Pendant une journée en fin de semaine passée, Google Chrome était le navigateur web le plus utilisé sur la planète. Et là, on parle de pas la fin de semaine qui vient de se passer là, 24-25, l'autre semaine d'avant. 17-18, je pense que c'est ça. Google Chrome était le navigateur web le plus utilisé sur la planète. C'est la première fois en 13 ans qu'Explorer n'est pas le navigateur le plus exploité au monde, même si l'écart entre Chrome et Explorer a été minime et qu'il n'a pas duré. Dans le fond, ça a duré qu'une fin de semaine. StatCounter a calculé que le navigateur Google Chrome avait une part d'utilisation de 32,81% contre 32,72% pour Explorer. Une avance que Chrome a perdue pendant la semaine, tandis qu'Explorer a repris de l'avance avec 35,3% contre Chrome. Et le reste de l'article est sur assemblagerequis.com parce que des chiffres comme ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais quand même, retenez la chose, c'est pas encore. La bataille n'est pas encore terminée, non. Vraiment pas. Non. Pour la première place. Maintenant, comment trouver Charlie grâce à des algorithmes? Pourquoi se casser la tête à trouver le grand maigre à lunettes quand une formule mathématique peut le faire pour vous? Hein, le défi a été lancé en décembre, oui, sur Stack Overflow, un site web collaboratif où les programmeurs trouvent des solutions à leurs problèmes de code sous forme de questions et réponses. Parmi les utilisateurs qui se sont penchés sur le cas Mathematica versus Charlie, c'est un certain Heike qui s'est mérité le plus de votes. D'abord oui, Heike filtre les couleurs de l'image en retirant celles qui ne sont pas rouges. Il calcule ensuite la corrélation entre l'image restante et un motif rayé noir et blanc pour retrouver le chandail de Charlie. Une fois que les pixels avec une forte corrélation sont sélectionnés, un cercle blanc est dessiné sur la zone et bam, Charlie est à côté de la caisse enregistreuse dans l'exemple. Cet algorithme semble toutefois limité à une seule planche de livre et l'ajustement du seuil de tolérance pour le calcul de la corrélation doit être effectué manuellement, tel que mentionné par un commentateur. N'en demeure pas moins que l'idée de trouver Charlie sans effort est plutôt séduisante. Ça, c'est encore une fois l'article de Branfield. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt stupide. Mathematica est un logiciel propriétaire de calculs formels édité par Wolfram Research. Son utilisation est extrêmement variée, allant de la biotechnologie à la finance, en passant par l'ingénierie et les jeux vidéo, dont des choses importantes et des choses moins importantes un petit peu. Parce que Charlie, là, de nos jours, les livres au Ré Charlie, c'est rarement juste Charlie, là. De Charlie, t'as ouais, la canne, les lunettes, blablabla. Bla, bla, sa bla, copine bla, bla. Qui oh, ressemble c'est, étrangement. C'est un peu freak en même temps qu'un gars sorte avec une fille aussi pareille comme lui. C'est-tu sa sœur ou je pense peut-être sa femme, ça? Je sais pas. Étrange. Ouais, étrange. Une ancienne actrice porno fait plier Google, condamnée par le président du tribunal de grande instance de Paris, à lui verser une somme de 2 000 € pour préjudice moral. Qu'est-ce qu'elle veut, c'est être oubliée, effacée de la toile pour pouvoir œuvrer tranquillement dans son nouvel emploi en tant que secrétaire. Efface-moi ça tout de suite. Hey, hein. Elle avait consenti à jouer dans des films érotiques. C'était avant les avancées fulgurantes des moteurs de recherche qui redirigent systématiquement vers des sites porno lorsqu'on inscrit son nom dans la barre de recherche. Des résultats de recherche bientôt effacés puisque le président du TGI a aussi obligé Google à supprimer tous les liens et adresses qui mènent vers des pages mettant en vedette l'ancienne vie de cette secrétaire juridique. Le tribunal a même ordonné à Google de transmettre l'adresse IP de l'éditeur du premier site qui a référencé la vidéo en question avec le nom et le prénom de l'actrice comme mot-clé. Quand même assez sévère. Ça s'inscrit dans une dynamique européenne qui tente de protéger l'internaute et lui permettre de s'effacer complètement de la toile en obligeant des géants comme Google et Facebook à éliminer toute photo ou vidéo. Cette bataille juridique est menée par Viviane Reding, commissaire européenne à la justice. Je pensais qu'elle allait dire le nom de la femme, la vedette de porno. Ouais. T'as été moi ça, toi? Hein? Ouais, c'est ça. Qui a introduit le 25 janvier dernier sa réforme de la directive de 1995 sur la protection des données personnelles. La proposition va encore plus loin. On veut exiger des sites web qu'ils demandent la permission aux utilisateurs avant de pouvoir diffuser des photos ou vidéos dans lesquelles ils paraissent. Mes propositions vont contribuer à renforcer la confiance envers les services proposés en ligne en permettant aux personnes d'être mieux informées sur leurs droits et de mieux contrôler les informations les concernant, dit Viviane Reding. Voilà. Donc, le droit à l'oubli est-il possible sur Internet? Pourrait-on éliminer toute trace de Rebecca Black ou du Star Wars Kid? C'est par là qu'on s'en va. C'est connu, certaines vedettes virtuelles ont la cote au Japon. Hein, des pop stars virtuelles, il y en a plein là-bas. La plus connue, sans nul doute, Hatsune Miku, dont les concerts attirent des foules. Malheureusement, il n'est pas possible pour cette chanteuse de tenir une performance en direct parce qu'elle doit toujours se contenter de se synchroniser sur un enregistrement impossible d'improviser. Une faille qui pourrait bientôt être réglée par les ingénieurs de chez Yamaha. L'équipe de Yamaha, travaillant sur la technologie Vocaloid qui permet de créer des chants virtuels, a développé un clavier qui permet de créer des airs sur le volet. Pour se faire 16 touches, des airs. La la la, ha, ha, okay. Pour se faire 16 touches situées à la gauche du clavier permettent de gérer les voyelles et les consonnes, alors que la main droite choisit la note. Hein, là? On entre ainsi. On a vraiment du talent. On entre ainsi simultanément son et note, et il est possible de faire chanter le synthétiseur syllabe par syllabe. Syllabe, hein, je pense. Un écran Dell installé sur l'instrument permet de s'assurer qu'on y entre les bonnes syllabes. Pour l'instant, cette nouvelle technologie n'est disponible qu'en japonais et demande un certain entraînement pour être maîtrisée. Selon Yamaha, on arrive à créer des berceuses avec environ 3 heures de répétition. pas si pire du tout. L'entreprise n'a pas de plan pour commercialiser son produit, bien qu'elle soit ouverte à vendre les composantes électroniques à une autre compagnie qui serait intéressée. Il faut dire que cet avancement de la technologie en est à ses balbutiements. On imagine donc que ça va s'améliorer. Non, c'est que j'étais en train de chercher comme ça avec mon talent. Ouais, c'est ça. Non, pas l'actrice. Merci, François. J'allais chercher l'extrait musical du clavier qui remplace le chant. Ce sera dans quelques secondes. Le temps de parler d'une autre nouvelle qui est vraiment géniale. C'est une fausse copie pirate de film qui sème le doute chez les consommateurs. Pour la sortie du film, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Tu sais, c'est The Girl with the Dragon Tattoo, là, basé sur les livres, etc. Donc, Sony, c'est un gros blockbuster quand même qui est sorti récemment. Sony a voulu jouer la carte du décalage en présentant le disque comme une copie pirate. Un clin d'œil au contenu du film qui a perturbé certains consommateurs. Donc, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, l'adaptation cinématographique du premier roman de la trilogie Millennium de Stieg Larsson, la version américaine réalisée par David Fincher, vient de sortir en DVD et en Blu-ray aux États-Unis. Et Sony a joué la carte de l'originalité dans le packaging. On trouve donc dans l'édition combo mêlant Blu-ray, DVD et copie ultraviolet, le film sur un disque au look original. Il y a tout d'une copie illégale. Hein? C'est un DVD R Sony, comme tu achèterais un DVD R, juste inscriptible, gravable. Et puis c'est marqué au crayon feutre, ou en tout cas on dirait, The Girl with the Dragon Tattoo, c'est écrit ça. Puis c'est vraiment le DVD que t'achètes, c'est comme ça. C'est super original, c'est cool. Donc, mise en scène qui s'avère être un clin d'œil au personnage de Lisbeth Salander, qui dans l'intrigue est une pirate informatique. Il s'agit donc de réaliser une sorte de mise en abîme, comme on appelle dans le domaine. Reste que le message n'est pas compris par tout le monde. Hein? Des clients se sont plaints auprès de certains commerçants, craignant avoir acheté une copie illégale du film. Les boutiques en ligne Amazon et Redbox ont aussi été obligés de mettre en avant sur leur page une petite mention qui dit « Le design du disque est bien celui approuvé par le distributeur ». C'est ce qu'on lit sur Amazon.com. Une démarche originale, mais pas forcément bien comprise. On peut donc se demander si Sony la réitérera pour la sortie du film ailleurs dans le monde, par exemple en Europe. J'ai de légers doutes. J'imagine qu'on va devenir le plus plate possible en faisant un DVD comme tous les autres. Parce qu'il faut pas être original dans la vie, il faut suivre la troupe, hein? Pas le choix. Toi et moi et nous et tous ensemble tout entrons dans la danse. Gna gna gna. Hein? Excuse-moi, je voulais pas chanter cette chanson-là. Hein, on a l'extrait du clavier qui remplace les chanteurs. Ah ouais. Hey, ça sent le succès, là. Hey boy. C'est plate que ça finisse là. Hein? Ça soit pas c'est long. Ça, l'extrait. Oh, l'extrait. Toi. Très court. Deux politiciens américains ont présenté un projet de loi pour que l'on étiquette les jeux vidéo violents de la même manière que les produits du tabac. François. Ah ouais? Oui, ça pourrait vous créer des problèmes. Il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. I know. Frank Wolf, le représentant de la Virginie, Joe Baca. Le représentant de la Californie, ont parrainé le projet de loi HR4202, mieux connu sous le nom de Violence in Video Games Labeling Act, l'acte de l'étiquetage de la violence dans les jeux vidéo. Ce projet de loi prévoit que les étiquettes seront placées sur tous les jeux classés E, donc pour tous, et ceux classés au-dessus, et ce, peu importe lorsqu'ils sont classés violents ou pas. Il faudra lire « Avertissement, l'exposition aux jeux vidéo violents a été associée à un comportement agressif. » Yeah. En fait, seuls les jeux classés EC, c'est-à-dire Early Child, je pense, pour les jeunes enfants, ne seraient pas visés par le projet de loi. Monsieur Chewbacca, là, s'est exprimé de la façon suivante au journal américain The Hill. Je cite « L'industrie du jeu vidéo a une responsabilité envers les parents, les familles et les autres consommateurs de les informer du contenu potentiellement dommageable qui est souvent trouvé dans ces produits. » D'après lui, les éditeurs de jeux vidéo ont souvent montré dans le passé qu'ils n'étaient pas à la hauteur dans ce domaine. Ainsi, il croit qu'il est tout aussi important de renseigner les joueurs et les familles sur les risques associés à la violence dans les jeux vidéo que de mettre en garde un fumeur sur les conséquences de l'usage du tabac sur sa santé. Par contre, l'usage du tabac, c'est vraiment, vraiment prouvé par la communauté scientifique que ça cause des problèmes. Les jeux vidéo, je sais pas d'où ils prennent leurs informations. Non. Là. Puis à un moment donné, je pense que c'est con, mais à l'inverse, ça peut faire du bien. Ça peut, là. Te défouler. Mais oui, c'est ça exactement. Écoute, à un moment donné, quand c'est ton seul temps... que tu te retrouves seul avec toi-même devant à penser à rien. Ça peut faire du bien. Ça peut t'empêcher, à la place de te défouler sur des vrais gens, tu te défoules sur un jeu vidéo. Tu sais, c'est aussi simple que si tu veux pas que tes enfants jouent avec, mais achète pas de console. Ouais, puis surveille-les donc aussi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais... C'est ça, exactement. La console de jeux vidéo dans sa chambre à coucher, lui, il peut s'acheter n'importe quel jeu à usager, ultra-violent, tu le sauras jamais. Ah non, maintenant, là. Tu sais, c'est comme un ordinateur, là, Facebook, puis rencontre d'individus louches. Mais là, on dans ton salon, ton ordinateur, tu sais. Hein? Put your ordinator in the salon. Please. Hein, please? Et comment qu'elle please? Excuse-moi, je suis pas très, très poli ce matin. Non, c'est pas grave. On parlait la semaine passée de Mass Effect 3 qui serait altéré, qui potentiellement serait altéré parce que les gens étaient n'aimaient pas la fin. Tu te rappelles, les gens n'aimaient pas la fin de ce jeu-là, donc les gens se plaignaient, il y avait une pétition et ça a fonctionné, François! Mais non. Bravo, mais oui. Non. Ray Muzika, le cofondateur de BioWare s'est adressé aux fans de Mass Effect 3 qui ont été déçus par la fin du jeu. Ces derniers obtiendront gain de cause en avril alors que du nouveau contenu adressera ce problème. Rarement la fin d'un jeu vidéo aura suscité autant de grogne. Plus de 90% des joueurs qui ont acheté le jeu et qui se sont exprimés sur des forums de BioWare auront eu gain de cause puisque BioWare répondra à leur doléance. Vous pouvez aller lire l'intégralité de la lettre de Ray Muzika publiée dans les forums de BioWare sur assemblagerequis.com. Mais ça a fonctionné, tu sais. Je comprends, du contenu additionnel, c'est cool, c'est tant mieux, tu sais. Mais la fin du jeu, moi, je trouve que c'est au créateur de décider pour aux fans. Ben, s'il vous plaît. Ça, il me semble. Au pire, t'es pas obligé de l'acheter. Ben non, mais tu sais, ton prochain, là, Mass Effect, là. Prochain Mass Effect 4, là, ouais. Ben... Sauf que c'est poche, là. C'est comme ça. Oui, parce que le jeu a une fin, puis là, la fin change, finalement, tu sais. Je sais pas. En tout cas. Bizarre. Deux dernières nouvelles, bref, là, on termine là-dessus, vraiment. Une nouvelle qui est quand même importante dans le monde des jeux vidéo. Deux détaillants québécois œuvrant dans l'industrie du jeu vidéo vont changer de nom. Dimension Games et Game Buzz ont annoncé un mariage avec le détaillant américain Play and Trade. Ce dernier avait un modèle d'affaires semblable, celui de développer des franchises plutôt que de tout contrôler par un siège social. Progressivement, en 2012, les boutiques Dimension et Game Buzz vont changer de bannière pour devenir des Play and Trade Canada. Charles Beaupré, président de Play and Trade Canada, affirme que cette fusion aura des effets bénéfiques, notamment à l'organisation de davantage de tournois. Un meilleur pouvoir d'achat. Plus de magasins pour servir les clients et différentes exclusivités. Voilà. Et un prêtre qui vend une déesse avec du matériel pornographique. Rudolph Carl Bowman, un prêtre catholique américain de 67 ans, a récemment vendu sa Nintendo DS. Le problème, c'est que la console a démontré que le prêtre avait visité des sites pornographiques homosexuels. Les enquêteurs ont ensuite fouillé son ordinateur personnel pour y trouver des images d'hommes aussi jeunes que 12 ans. Je sais pas si on dit homme à ce moment-là. Bowman s'est défendu en disant que ces images sont apparues lorsqu'il cherchait pour du matériel adulte. Ben c'est ouais. Apparu comme sur sa DS, là, ben ça, ouais. C'est bien connu. Une version que la police n'a pas cru, puisque le prêtre est accusé d'abus sexuels envers des enfants. Mmh. Non, c'est ça, ça paraît mal. Ça paraît mal un peu. Non, mais c'est connu, là, voyons, non. Tu visites n'importe quel site, puis ça télécharge des affaires, là, puis c'est ça. Ben normal, ça. Ouais. Hey, on se quitte avec encore un petit peu de chant d'enfant, puis c'est ça. Yamaha has developed je comprends pas comment ça que t'aimes pas ça, François. Je sais pas. Moi non plus. Je me surprends moi-même à pas aimer ça. C'est bien sûr. Hey, c'est la fin de la première heure d'assemblage requis. J'ai essayé de chanter les instruments de... dans la deuxième heure, la chronique de Nicolas Ducharme et du sport. Alors, reste avec nous. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. J'ai entendu dire que c'était la deuxième heure d'assemblage requis en ce lundi 26 mars 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui! Ben, c'est ça ici. Il faisait longtemps. Il était fort. Hey, il fallait crier. Mathieu Plante! François-Louis Marchand! Yaha! Bon matin. Et t'as l'air complètement en forme. Oh, il y a du sens que j'ai l'air en forme, hein? Ouais. C'est pour avoir l'air en forme. Oh, ouais. À la radio. Je sais pas si tu l'es, mais... Je sais pas. En tout cas, je le dirai jamais. J'entends bien dans mes écouteurs. Question d'honneur, là. Ah, ça va pas bien? Non, ça va très bien. Vas-y, parle-nous. Donc, non. On n'a pas de Xavier Antoire aujourd'hui pour sa chronique Tais-toi et cuisine, non? Non, exactement. C'est triste, hein, mais on va avoir de la bonne musique. J'ai vu que tu nous as sorti une pile de disques compacts de morceaux de Playstick là, avec des trous dedans. De Playstick? Tu les as brisés, ils ont tous des trous dedans? Non! Bon, on commence avec Endless Summer. Voici The Jezebels, Endless Summer, parce qu'on aimerait ça que l'été arrive et ne se termine jamais. You came home for the end of summer. Sublime avec la pièce Santeria. D'ailleurs, Sublime, Mathieu, qui va être en spectacle cet été au Rockfest, Detox Rockfest. Ben non! T'as dit qu'il va avoir lieu à Montebello. Et c'est un gros festival quand même, beaucoup de gros noms. Écoute, on parle de Korn, Bad Religion, Dream Theater, Sublime, No Use for a Name, Azalea Dying, The Exploited, Face to Face, Goldfinger, Against Me que j'adore, soit dit en passant, Good Riddance, Real Big Fish, Protest the Hero. Voilà, mon oncle Serge d'ailleurs va être là aussi, Vulgar Machin. Ça ressemble à ça, et ça va avoir lieu en fait du 15 au 16 juin à partir de midi, donc à Montebello. D'ailleurs, je pense qu'il y a une pré-vente là, qui a ouvert la semaine dernière, et ça commence pour le passeport 2 jours, 55$, donc ça peut valoir la peine. C'est la 7e édition cette année. Mm-hmm. Donc allez voir ça, pas pire du tout ça. Mm-hmm. Merci François, merci beaucoup. Tout à l'heure, on va parler de sport, mais aussi de faits dans la chronique. C'est un fait. On va faire ça rapidement tantôt. Pour l'instant, voici The New Pornographer. Je commence à écouter ça. J'arrête plus. Je suis plus capable d'arrêter. Non. Voici Crash Years sur C'est Fou 89.fr. Of us run. La pièce Crash Years de The New Pornographers sur leur album Together. J'adore donc cette formation-là, The New Pornographers. Je vous conseille ça pas mal fort. Maintenant, assemblage requis à 8h18. François, est-ce que tu as envie d'apprendre quelque chose? Un petit peu. Allons-y. Non? Allons-y. Oui, t'es oui, sûr? Oui, je suis sûr. Oui, OK, oui, c'est un fait. Oui. Rien de pire que d'apprendre des choses quand t'as pas envie d'en apprendre, là. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, commençons à Ottawa, où il y a deux rues qui font intersection. Et les deux rues s'appellent Mulder Avenue et Scully Way. Donc, à Ottawa, Mulder, ça? Ouais, à Ottawa. Oh. Mulder et Scully, comme dans Aux frontières du réel, des X-Files. Ah, c'est cool. J'avais compris comment c'est que ça s'appelait Aux frontières du réel en français, ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Non. Une nouvelle espèce de crabe qui n'a pas encore de nom officiellement, mais on lui a donné comme surnom le crabe Hasselhoff. Parce qu'elle a du poil sur la poitrine. Non. Je te jure. Non. Tu peux aller voir les photos. Mitch! Arrêtez de rire de Mitch. Mitch! Ouais. C'est, encore une fois, hein, Baywatch, alerte à Malibu. Malibu. Je me rappelle pas d'avoir vu le mot Malibu dans le mot en anglais, dans le nom. La salive humaine contient un antidouleur qu'on appelle l'opiorphine, qui est 6 fois plus puissante que la morphine. Oh, l'opiorphine. Ouais. Eh bien, si tu veux tuer quelqu'un, lèche-le à mort. Hein? Hein? Peut-être que c'est peut-être ça que les chats font, hein, avec leur maître. Ils lichent jusqu'à temps en espérant que leur maître meure pour devenir maître du monde eux-mêmes. Avant, dans le temps, on pensait que les oursons, les petits ours, dans le fond, les bébés ours, arrivaient dans le monde et étaient juste un genre de blob, un genre de sphère, si on veut, et que c'était leurs parents qui les lichaient jusqu'à temps qu'ils aient la forme d'un ours. Hein? C'était la croyance populaire. Les gens pensaient que les bébés ours étaient des blobs sphériques. Blobs sphériques. C'est toujours une belle façon de parler de ça. Ouais. Des lignes de téléphone. Des fois, quand tu parles au téléphone, ça fait des craquements, des crépitements, des... Ouais, bon. Souvent, c'est causé par des écureuils qui mordent les fils. Pas vrai. Je te jure. Ah, ouais. C'est bizarre, hein? Ouais. Je savais pas ça. Le pays qui s'appelle le Kiribati. Kiribati, c'est le seul pays au monde qui tombe dans les 4 hémisphères en même temps. Nord, sud, est, ouest. Les 4 hémisphères. Kiribati. Ouais. C'est quelque chose. Impressionnant. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, je vais refaire ça avec les syllabes dites au complet, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les symboles, tu sais, de la femme et de l'homme sont un rond avec une flèche puis un rond avec une croix? Non. Tu t'es jamais demandé ça? Non. Moi, je me suis toujours demandé comment les retenir particulièrement, Et si je me rappelle bien, c'est la flèche, je me rappelais tout le temps, tu sais, un organe masculin, c'est piquant, tu sais. Ping! Flèche! Flèche, ping! Flèche, ça te pique? Oui, alors que pour les femmes, moi, je me disais tout le temps, un rond avec une croix, les deux bords de la croix, c'est ping! Tu sais? C'est... Du ping! Hein? Je comprends, là. Tu comprends? C'est ma façon mnémonique de retenir qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme. Retenez-le. Un engin, ping! Et deux engins, ping! Tu comprends le genre? Bon, donc non, c'est pas pour ça. Les symboles sont en fait des symboles astrologiques. Le rond avec une flèche, c'est le symbole pour Mars, la planète Mars. C'est supposé avoir l'air d'un bouclier et d'une épée, je crois. Spear, c'est ça, épée? En tout cas, c'est une arme, là. Okay. Parce qu'on l'associe généralement avec Mars, qui est le dieu de la guerre, God of War. C'est comme les jeux vidéo God of War, là, ça vient de là. L'autre symbole, le rond avec une croix, c'est le symbole pour Vénus, qui est la déesse de l'amour, de la beauté et du sexe. Par contre, il y a moins de consensus ici par rapport à qu'est-ce que le symbole représente, mais une des explications populaires, c'est que ça représente le miroir que Vénus tient dans sa main. Le miroir dans sa main, apparemment. C'est le stéréotype de la femme avec son miroir dans sa sacoche. Le symbole de Mercure, dans le fond, qui représentait la virginité féminine, ressemble beaucoup au symbole de Vénus, mais avec des cornes. Donc, c'est un rond avec des cornes en haut, qui est comme une flèche inversée, et une croix par en bas. Et puis, c'est ça, il y avait une série de livres aussi qui s'appelait « Men are from Mars, Women are from Venus ». Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Là. Donc, c'est pour ça que cette série-là de livres s'appelait comme ça, elle aussi. Voilà. Maintenant, vous pouvez retenir les symboles de différentes façons, mais je trouve que mon truc est pas mal meilleur. Quand tu y penses, là. Bon. Ouais. Une équipe de nage dans une école secondaire s'est fait enlever sa médaille, si on veut, ou son prix, son trophée de championnat, parce qu'une fille s'est rasée trop tard. C'est rasé trop tard? Ben, ça a l'air bizarre là, et étrange comme question. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça a de bonnes intentions. La vraie règle, c'est que les participants ne peuvent pas se raser le corps après être arrivés là où la compétition a lieu. D'accord? La raison, c'est que si on leur permet de se raser, il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser des rasoirs là-bas, ce qui va mener à l'utilisation peut-être du mauvais rasoir et peut-être par le partage de maladies transmises par le sang. Non. Ça a bien du sens quand même. Si quelqu'un se rase, se coupe, le sang tombe à terre, quelqu'un d'autre a une coupure sur le pied, tu sais, puis là, le sida va se transmettre, finalement. Ah. Donc, moi, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens, là, quand même. Donc, par contre, et dans ce cas-ci, ce qui fait que ça a moins de sens, c'est que c'est seulement une fille qui s'est rasée là-bas, une seule fille, et ça a coûté le championnat après qu'il avait déjà gagné. Donc, ils avaient gagné et on leur a enlevé parce que quelqu'un a vu la fille se raser. Donc, dans ce cas-ci, je suis pas sûr d'être d'accord. Je pense que c'est une règle qui pourrait être un petit peu plus cas par cas. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ils disent que s'ils laissent une fille se raser sur place, ils vont devoir laisser toutes les filles se raser sur place. Et ça pourrait créer des maladies. Ouais, mais en même temps, c'est eux autres qui, tu sais... Ouais, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est eux qui décident de se raser sur place. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Mm. Mais en même temps, non. Justement, non. Revenons. Je change de position comme je change de position sur ma chaise, finalement. Mais non, c'est que si... même si tu te rases pas, mettons, tu te rases pas sur place, tu décides de ne pas te raser sur place, OK? Ouais. Mais par contre, tu t'es coupé et tu t'en es pas rendu compte. Tu t'es coupé sur le coin de quelque chose alors que quelqu'un d'autre avant toi a décidé de se raser sur place. Mais toi, tu le sais pas et t'as pas le choix de toucher à son sang et de pogner sa maladie. C'est pas ton choix. C'est pas ta décision. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais comme tu peux marcher à côté de la piscine et tomber et fracturer la tête, mais et plein de faire sang, mais non, mais... de laisser les gens le faire, tu sais. Ouais, on se battra pas là-dessus. Ouais, c'est un peu niaiseux, en fait. Mais bon, je peux comprendre la position, puis moi non plus, j'aurais pas envie de pogner une maladie à cause de quelqu'un avant juste moi. Pas te raser, non, mais c'est pas de te raser, François, je te dis, si tu te pètes là, quelque part, sans faire exprès, puis quelqu'un d'autre avant toi s'est rasé. Ouais, mais ça a aucun lien avec le rasage. Ça a rapport avec le rasage avant toi? De quelqu'un qui avait une maladie qui s'est rasé. Hey, c'est de chercher les bébêtes assez loin. Je trouve pas, mais bon, c'est pas grave. Je trouve pas. Vraiment pas. Il nous en reste un dernier, François. Que tu vas aimer celui-là parce qu'il concerne de quelque chose que t'aimes beaucoup. Non, c'est pas vrai. Je retire tout de suite avant de le faire parce que ça a vraiment pas l'air correct. C'est un concours de masturbation. Donc, j'ai retiré mes paroles avant. Donc, un homme a le record de masturbation pendant presque 10 heures continues. De suite. D'accord? Okay. Son nom, c'est Masanobu Sato, du Japon. Il s'est masturbé pendant 9h57 au concours annuel Masturbate-a-thon, donc de San Francisco. Croyez-le ou non, ce gars-là, en fait, je vois pas pourquoi on croirait pas ça, mais le gars a une copine, d'accord? Ça nous précise ça dans l'article. Sato vit avec sa copine et se pratique plusieurs fois par jour pour s'assurer de gagner chaque compétition et de garder le record mondial. Et elle le prend très très bien parce qu'il considère ça comme son hobby. En effet, c'est un hobby comme un autre. Là. Donc, pour s'entraîner, Sato a nagé deux fois par semaine pour se donner de l'endurance. Il a gagné 5 kg de muscles. On ne dit pas si c'est seulement dans son bras gauche, évidemment. Il dit que son but est de rendre la masturbation moins tabou. Moi, en tout cas, je vois pas, je comprends pas le tabou autour de ça, sérieusement. Et là, on pourrait en parler longtemps. Là, toi qui es de l'autre bord du débat tout le temps, jamais d'accord avec moi. Non, mais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais l'affaire de transit, pas que je vais revenir là-dessus. Non, on a le droit de pas avoir la même opinion. Ouais. C'est correct. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Qu'il s'est entraîné, il s'est ramassé 5 kg de muscles additionnels et lui, il veut qu'on traite, non seulement il veut enlever le tabou autour de ça, mais il veut qu'on traite ce hobby-là comme un vrai sport. Là, c'est là que l'opinion diverge un petit peu. Diverge. J'ai diverge, François. Diverge. Non, mais tu sais, écoute, peut-être que t'es pas mal de le faire toi-même. Non, mais tu sais, ça s'arrête là, de faire un sport avec ça, puis en même temps... Ça va loin. Moi, juste les compétitions, je trouve ça un peu bizarre, là. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, fais ce que tu veux, puis t'as pas mal de le faire. Assume-toi, bâtard. Assume-toi. Donc, le Masturbate-a-thon ou le Masturbaton, je trouve que ça sonnerait mieux en français, c'est fait par le Center for Sex and Culture, le Centre du Sexe et de la Culture. Ça valait la peine de le traduire, étant donné que les mots sont les mêmes en français quand même. La compétition annuelle qui se passe dans ce qu'on appelle le Masturbatorium. Okay, ouais. C'est joli, hein? Ouais, c'est pas pire. Et moi, François, cette histoire-là me rappelle étrangement un des meilleurs sketchs de... Vidons-la dans la question! Les moyens de contraception?

Hein? Très trash. Donc, Madame Cocoon, si ça vous intéresse d'aller chercher Madame Cocoon et de chercher les sketchs censurés par tous, c'est à peine regardable, mais moi, je trouve ça très, très drôle, Madame Cocoon. Je vous dis même pas ce que c'est, parce que juste le dire, c'est déjà vulgaire, tu sais. Ouais. Juste café, c'est... Non, même pas un mot. Non. On peut dire Madame. C'est un des mots qu'on peut dire, Madame. C'est tout. C'est pas mal ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est là qu'il faut faire, qu'il faut aller. Pour l'instant, on prend une petite pause et on revient avec Nicolas Ducharme. Oui, sa chronique du charme et du sport à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Le plan de demain à Assemblage Requis. On fait bouillir un autre des plats favoris de Stéphanie Gagné, la chronique aléatoire de Gabriel Degrasse et les suggestions de lecture de Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un plan de demain, parce que c'est ce qui est prévu. Ça veut pas dire que tout le monde va être là dans ce... C'est demain dès 7h à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage Requis se poursuit jusqu'à 9h. Vous êtes avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante à Assemblage Requis. Hey, bon matin, bon matin. Bon matin. Hey, hey, hey, hey. Hey, Nicolas Ducharme. Bon matin, messieurs. Ouais, ben on l'accueille directement des bureaux de l'écho de Trois-Rivières. Voici du charme et du sport. Bon matin, Nicolas. Hey, hey, hey, ça va bien? Comment ça va? Ça, oui, ça va bien. Oui. Ça va bien. Messieurs, bon, premièrement, fait frette. deuxièmement, non, mais j'en parlais un petit peu dans mon cercle de copains la semaine dernière. Moi, je m'attends à ce que ce soit à gaz qu'on a eu la température la semaine dernière. Bon, tout le monde a commencé. Tu sais, me faire un lien avec le sport, j'ai commencé le jogging, les gens ont sorti le vélo et ce matin. Un temps pour sortir le 3 ski, hein, à peu près le bon vieux GT avec le visage de Brett Hall dessus. Oh, une référence que François comprend. Ben écoute, c'est pas ça, là, hein? Non. Ma chronique au complet, Mathieu. C'est ça, je m'en vais sur Facebook, moi, à l'instant. Ouais, là, je te laisse tweeter pendant ce temps-là. Merci. Hey, on y va, messieurs. Il y avait trois équipes des Patriotes qui étaient en contention pour un championnat canadien ou provincial. Cette fin de semaine. On parle de hockey, soccer deux masculin. Fois. Ouais, soccer féminin, soccer masculin et au hockey. Une seule a réussi à l'emporter. Une seule a sauvé. Un sur trois, c'est mieux que rien. Ben, c'est mieux que rien, c'est sûr. Une seule a réussi à sauver l'honneur des Patriotes et c'est... Le soccer masculin. Le soccer masculin qui l'a emporté hier. Tout un match en direct du Centre Alphonse Desjardins, là, de l'autre côté du Larivière-Saint-Maurice. Une belle victoire de 2-1, les gars. Mais écoutez, on a joué avec le feu un peu du côté des boys parce que Laval a dominé ce match-là. Très honnêtement, là, ouais. Particulièrement la deuxième demi, Laval était partout. Le gardien de but, Raphaël Bélanger-Vaillancourt, a dû se signaler à quelques reprises. On menait 1-0 du côté des Patriotes. Un but à la 12e minute de Valentin Cégé qui a réussi à battre le gardien Vincent Grenoyer du côté de Laval. On continue, ça reste à 1-0 pendant toute la partie jusqu'à la 8e, alors qu'il restait jusqu'à la 82e minute du match. Un but de Gabriel Moreau du côté de Laval qui a réussi à faire 1-1 crève-cœur. On s'en va en prolongation. On s'en va en prolongation, mais non, il n'y a pas de prolongation. C'est directement au tir de barrage parce que. C'est la différence entre le soccer intérieur et le soccer extérieur, c'est que tu payes au soccer intérieur pour la location, puis bon. Fait qu'il faut que ça finisse. Il y a des ligues de garage après, ça fait qu'il faut que ça finisse à un moment donné. Donc on s'en va directement en fusillade et ça a pris 5 rondes pour se terminer. Puis une ronde, c'est quoi? C'est 1-1. OK, c'est un chaque bar. Ouais, un chaque bar. C'est-à-dire que comment ça s'est déroulé? Les deux premiers tireurs du côté de Laval ont réussi leur tir. Sur les trois premiers des Patriotes, un seul n'a pas réussi leur tir. Donc, si Laval compte, il l'emporte. Raphaël Bélanger-Vaillancourt se signale avec un magnifique arrêt à sa droite en plongeant. réussit à garder le ballon hors du filet. On s'en va en quatrième ronde. Les deux équipes marquent. On s'en va en cinquième ronde. Les Patriotes marquent. Et le tireur du côté de Laval, Julien Priol, qui manque son tir à la droite du filet. On a raté le filet. Pas de beaucoup, là. Mais il l'a raté. Alors, c'est terminé pour Laval. Les Patriotes qui l'emportent. Donc, c'est un deuxième gain consécutif pour les Patriotes au championnat de soccer intérieur. Donc, on peut dire, les Patriotes à l'intérieur, là, c'est une des puissances de la Ligue. À l'extérieur, c'est là que ça, on va voir comment ça va se passer. Il y a certaines différences entre le soccer intérieur et le soccer extérieur. On dirait que les équipes d'autres universités sont plus puissantes à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas nécessairement des terrains pour s'entraîner. C'est un des facteurs. Donc, ce qu'on va devoir faire, parce que ça fait deux années, donc lorsque tu analyses ça, les Patriotes auraient dû être très, très forts l'automne dernier parce que tu étais champion national, champion québécois plutôt l'année d'avant, puis tu es champion cette année aussi. Donc, normalement, l'automne, on aurait dû être très, très forts du côté des boys. Mais si je me souviens bien, là, je vais te sortir ça là, très rapidement. Les Patriotes avaient terminé au troisième rang, avaient été éliminés en séries éliminatoires 1-0 contre McGill en demi-finale. Donc, on s'est rendu en demi-finale. On avait fait les séries, ce qui était quand même bien. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui s'était passé. C'est Sherbrooke qui avait été forfait. Sherbrooke et une autre équipe, je pense Laval avait perdu des matchs, si je me trompe pas, par forfait. L'UQAM et Sherbrooke avaient été disqualifiés, joueurs inadmissibles. Donc, ils avaient perdu des matchs, donc ça avait fait rétrograder. Donc, on avait eu comme une deuxième chance inespérée pour se classer pour les séries éliminatoires. Donc, ça avait joué un peu. Donc, félicitations aux boys, deuxième bannière accrochée aux Caps. Du côté des filles, bon, le match débutait, là, c'était le match des gars, c'était le débuté à 4h, celui des filles à 2h. Les filles ont mené toute la rencontre. On a mené 1-0 après que Annick Maltais, là, c'est une belle passe à travers la défensive de Gabriel Rivet, a réussi à battre la gardienne de but là, du côté de Sherbrooke. C'est l'Université Sherbrooke qui faisait face aux Patriotes. Malheureusement, il restait moins de 3 minutes et une très longue frappe du côté de la joueuse de Sherbrooke qui a trouvé le fond du filet. Alors, on restait 2 minutes. On s'en va en fusillade. Et en fusillade... Pas la même chose que... Ben, on n'a pas eu la même chose. C'est Marie-Michel Lapointe là, qui a manqué son tir la deuxième ronde du côté de Chevaux qu'on a capitalisé sur nos trois opportunités. On l'a emporté 3-1. C'est terminé. Et ça se termine bon avec le titre de finaliste pour les filles. Et c'était l'équipe Cendrillon, les filles. Les filles ont terminé là, au classement cette année en sixième et avant-dernière position. C'est pas moi, OK, moi. Sixième et avant-dernière position. Et une fois en série, on a... créer la surprise, on a éliminé Concordia, on a éliminé Montréal et on s'est en fusillade à Montréal. Et on s'est rendu là. Donc les filles n'ont pas à rougir de leur performance, absolument pas. Personne ne les voyait là. Elles se sont rendues là, puis ils sont passées à 3 minutes là, de l'emporter. Ça n'aurait pas été une superbe frappe là, de la joueuse de Sherbrooke, Camille Vanderberg. Vanderberg, en tout cas. Vandenberg. C'était une victoire là, du côté des Patriotes. Ça aurait été bien, par contre, en deux bannières. Ça aurait été plaisant. Une après l'autre, là, ça aurait été le party. Il y avait une bonne petite foule hier. Ouais, ça se comptait. Ça fait ça blanc, combien? 200-250, okay. Ce qui est bien là, pour le match des hommes. Il y avait un peu plus de monde pour le match des hommes que le match des femmes. Là. Mais il y avait une bonne petite foule. C'était très appréciable. L'ambiance était bonne du côté du Centre sportif Alphonse Desjardins. Et maintenant, hockey. On sait, c'était la Coupe Université cette fin de semaine. Les Patriotes, là, et ça a débuté jeudi dernier. Eh bien, les Patriotes n'ont fait que passer à ce championnat qui se tenait à Fredericton du côté du Nouveau-Brunswick. Ça a très mal débuté. À vrai dire, on s'est trouvé presque éliminé après notre premier match. On a subi une cuisante défaite de 6-1. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Contre les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, c'était un match à domicile pour les Reds. Il y avait 3500 personnes. Ça faisait extrêmement chaud. On était nerveux du côté des Patriotes. On a connu un mauvais départ du côté de UNB, là, si je me trompe pas. Attendez, je vous sors ça. Le nombre de tirs en première période, est-ce que je l'ai? 15 tirs en première période contre 4 tirs pour l'UQTR. C'est ça. C'est pas avec 4 T que... C'est ça. Fait que ça n'a pas été un très bon... Ça n'a pas été un très bon résultat, le résultat attendu du côté des Patriots. Et là, automatiquement, si on veut pouvoir poursuivre notre route, on doit absolument battre Western le lendemain. Et ensuite... battre Western par beaucoup de buts parce que c'est le différentiel. Ah, c'est le différentiel qui compte. C'est le différentiel qui compte en plus. Tu sais, quand tu perds 6 à 1. Le bris d'égalité. Bon. Ooh. Honnêtement, là, du côté des joueurs, on n'y croyait plus, mais on a offert une performance là, sans reproche du côté contre Western. On aurait mérité. On l'a échappé en prolongation, défaite de 3-2 des Patriots contre Western, mais on aurait mérité un meilleur sort du côté des Patriots. Juste de se présenter à ce match-là, de jouer. Et de se rendre jusqu'en prolongation. Écoutez, en première période, les Patriots ont décoché 22 tirs sur le gardien. Josh Younes, qui est tant qu'à moi le joueur de ce tournoi-là. Bon, parce que je vous donne le punch, là. On l'a emporté. Hier, ça s'est terminé. Bon, le championnat national, McGill contre Western en finale. Deux équipes de la Ligue d'Ontario. Ça s'est terminé en prolongation. Et Josh Younes, en termes de hockey, a gaulé sur sa tête pendant tout le tournoi. Ah ouais, t'es sérieux? Ah, vraiment, là, la performance de Younes, sa moyenne de buts accordés. Parce que là, ce qui est avec Younes, bon, et avec les Mustangs, on devait affronter UNB le lendemain. Une victoire de 3-2 de Western qui ont connu un départ là, sans reproche. La première période, la fin de la première période, menait 3-0. Et UNB, dans ce match-là, ne se sont pas présentés durant trois périodes. On a joué 10 minutes à la fin du match. C'est là qu'on a compté nos deux buts. Donc, du côté des Reds, on a couru à notre perte. Et on a perdu. Et voilà. Du côté de McGill, pendant ce temps-là, McGill continue son chemin. C'est son petit bonhomme de chemin après une victoire de 6-3 contre Moncton. Ils l'ont emporté. Ils ont perdu, par contre, 4-3. Contre la Saskatchewan, mais tu vois, je te parlais de différentiel. On était plus 3 après le match contre Moncton. Okay. Moins 1 après le match contre Saskatchewan. Du côté de Saskatchewan, on avait perdu 5-1 contre Moncton. Il n'y avait pas d'espoir. Moncton, avec leur victoire de 5-1, était plus 4. Mais par contre, McGill plus 4 aussi. Donc, les deux équipes étaient à égalité. McGill avait remporté le match entre les deux équipes. C'est fait. Ça s'en va. C'est McGill qui accédait à la finale. Donc, dans ce match-là, bon, ben voilà la victoire de McGill hier en prolongation. En première prolongation, c'est Evan Boston, exactement. Capitaine du côté de McGill qui a compté le filet gagné. Un peu, là, vous donner une idée, ça ressemblait légèrement là, au niveau le type de, tu sais, le but de Sidney Crosby aux Olympiques. C'était un peu le même type d'entrée en transzone. Ben, non pas en transzone parce que Crosby était dans le coin du. De la patinoire, tandis que Vassin, c'est une passe à gauche qui a permis d'entrer au filet. Mais bien fait, premier titre en 135 ans pour les Redmen de McGill. Je peux vous dire que ça doit grincer des dents un peu là, du côté du Caps de l'UQTR ce matin. Les arch enemies, comme on dit, les rivaux de tout temps, des Patriots, les Redmen de McGill qui célèbrent un premier titre. Ça devrait avoir des bonnes récupérées. Fait que là, c'est fini. C'est terminé pour le hockey. C'est terminé. Écoute, c'était la dernière fois qu'on voyait Jacques Laporte. C'est ma très forte impression. Écoute, je me suis renseigné. J'ai été aux sources en fin de semaine. J'ai eu de plusieurs sources qui m'ont confirmé là, que la décision allait se prendre très rapidement. Soyez pas étonnés si c'est cette semaine, ouais, parce que ce qui doit se faire... On veut rebâtir. Mais là, c'est parce qu'on a du recrutement à faire. Et pas d'entraîneur. Pas de recrutement, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça pourrait être très négatif parce que si on règle ça cette semaine dans le cas de Jacques Laporte, après ça, on va arriver, le temps que ça prend pour trouver un entraîneur, est-ce que c'est un mois? On est en pleine série éliminatoire. Est-ce qu'on a déjà un nom, peut-être, probablement? Souvent, c'est peut-être ça qui arrive. Ouais, ben on m'avait dit que certaines entrevues avaient déjà été faites. Ah ouais? Mais est-ce que ça va mener à des postes ou est-ce que c'est seulement des entretiens? C'est ça la question. Et là, je suis très curieux de voir. Du côté de Laporte, j'y ai parlé après le match, là, après la défaite contre Western. Il m'a dit la phrase suivante. Il dit, moi, c'est plus dans mes mains, c'est dans les mains de l'université. Il dit, mais une chose est certaine. Lui aimerait bien rester là. Ben, c'est ça. Une chose est certaine, dis-moi si je vais faire du hockey l'an prochain. Donc, du côté de Laporte, ça va être ailleurs. Je pense que. De toute façon, sa fiche est bonne. Sa fiche est très bonne, Jacques Laporte. Là, on parle d'un des entraîneurs qui a connu le plus de succès au hockey universitaire au Canada. On parle de. Deux championnats canadiens. 4-5. Hey, j'ai un petit blanc sur les chiffres, je suis désolé. Je pense que c'est 5 Coupes Queens. avec la Coupe Queen, c'est quoi? C'est l'emblème de la Ligue d'Ontario. OK, donc ce que les Redmen de McGill ont remporté cette année contre Western. Donc, on en parlait, là, c'était la deuxième fois que Western se faisait battre contre McGill dans ces séries éliminatoires-là, ça fait mal. Donc, ça devrait se régler cette semaine. Soyez pas étonnés, là, c'est une annonce rapide du côté des Pats. Hey, je continue, là, parce que je vois le temps qui arrive. Cataracte de Shawinigan, tant qu'il avance, pas tant qu'il arrive, ça se dit mal un petit peu. Cataracte de Shawinigan, là, qui ont varlopé les Huskies de Rouyn-Noranda en fin de semaine. Deux victoires faciles, 7-1, vendredi, 55 tirs contre le gardien Robin Gus. Pas facile, hein? Dans ce cas-là, 7 buts, c'est pas si pire. Rouyn-Noranda seulement 17 contre Gabriel Girard. Donc, on mène la série 1-0 et dès le lendemain, on l'emporte 6-3. Donc, une autre victoire facile, 40 tirs contre 27 en faveur des Shawinigan. Donc, presque 100 tirs contre le gardien Robin Gus en fin de semaine. Semble-t-il que personne s'est assis à côté de lui dans l'autobus en revenant. Ça sentait un peu trop le caoutchouc. C'était Gabriel Girard qui était dans les filets pour ces deux matchs-là. Donc, très bien fait là, pour les Cataractes qui prennent la route de Rouyn-Noranda. Le prochain match dans cette série-là, c'est demain, 19h30, en direct de l'aréna de Dave Keehan. Il a changé de nom, cette aréna-là, mais en tout cas. Donc, c'est ça pour cette série-là. Ailleurs, dans le circuit Courteau, écoutez, à Cap-Breton, on a hâte que ça se termine, les éliminatoires de leur côté. Saint John qui a remporté les deux premiers matchs 13-4 vendredi et 8-1 samedi. C'est pas le fun pour l'autre équipe. Et pas très le fun. Blainville-Boisbriand amène sa série 2-0. Je m'attendais à ce que ça soit plus serré que ça, cette série-là. J'étais un peu déçu. 7-2 et 5-1, les victoires. Victoriaville, là, qui, ça va pas très bien du côté de Victoriaville. Pourtant, on est établi comme parmi les favoris du côté de Victoriaville. Bécomo qui mène la série 2-0. Des victoires 4-3 et 5-3 pour le Drakkar. Bon pour les Cataractes. Surprise, surprise, là, ouais, ben c'est ça, c'est bon pour les Cataractes, oui, parce que Bécomo. Bon, Bécomo a une bonne équipe qui semble être mal dirigée cette année. Ça a été très difficile. On a d'ailleurs mis l'entraîneur à la porte, là, Mario Pouliot, avec quelques matchs à jouer au calendrier. On l'a mis à la porte, donc c'est décevant du côté de Victoriaville. On va vouloir se reprendre très rapidement. Ouais, mais là, ça, en plus, on s'en va sur la route. Il n'y a rien qui va bien là, du côté des Tigres. Denis Francœur là, qui a effectué un retour derrière le banc pour aider le directeur général Steve Aaron à diriger cette équipe-là. Et force est d'admettre que come ça on, paye. Les boys, come on. Ça paye. Québec qui mène 1-0 contre Drummondville. Halifax est en tête 2-0. Les Huskies l'Océanique de Rimouski qui mène sa série 2-0 contre Val-d'Or. Ça aussi, là, Rimouski, attention Rimouski, c'est une équipe qui est intéressante. Je serais pas étonné de les voir se rendre très loin en séries éliminatoires avec Jérôme Gauthier-Leduc. On n'a pas tout vendu, contrairement à plusieurs équipes, on n'a pas tout vendu. On est capable de se rendre aisément en deuxième ronde et peut-être même passer. Et Chicoutimi qui mène 2-0 contre le Titan d'Acadie Batters. 3-1 et 6-1, les gains pour la troupe du Saguenay. Eux aussi devraient faire leur petit bonhomme de chemin assez aisément. Canadien de Montréal, bon, on est officiellement annulé des séries... éliminé, plutôt. Des séries éliminatoires de la Ligue nationale. Deux matchs en fin de semaine. Victoire 5-1 vendredi là, du côté d'Ottawa. Et une défaite de 4-1 contre Philadelphie samedi. Je m'y attendais. Samedi, on avait laissé beaucoup d'énergie la veille contre Ottawa. Trois buts en quoi? 6 minutes, là? 6 minutes du match là, pour Eric Cole. Ah, ça a bien été, là. Ah oui, Eric Cole qui écoute, wow, là-dessus. Probablement, là, de tout ce qui était disponible sur le marché des agents libres l'an dernier, la meilleure acquisition qui s'est faite dans la Ligue nationale. Coûte 4 millions cette année, Eric Cole. Eric Cole, vois-tu, ouais, c'est pas mal. En 5 minutes, là, c'est légèrement plus que 5 minutes, son taux du chapeau naturel qu'on appelle, là, c'est pas donné à tout le monde de faire quoi ça. Quoi naturel? 1, 2, 3, cha-cha-cha. Et non pas un but de l'adversaire, un but. Bon, sur 3 périodes avec 6 buts. C'est 1, 2, 3, ça fait. Bang, bang, bang. 55 points là, pour Eric Cole cette année. Bon, dans une équipe qui a une offensive et un jeu de puissance anémique, pour ne pas dire. Eric Cole là, qui est tac à moi et le joueur par excellence chez le Canadien cette année avec. Avec David Dernais qui fait du bon boulot. Et ouais, bon, dans les filets, Carey Price qui est souvent laissé à lui-même, là, mais on faut pas lui planter dessus. Donc, faut pas lui tomber dessus pour les choses qui n'est pas responsable. Moi, c'est pas mal ça pour le Canadien. Grosse nouvelle hier du côté de la capitale. On a confirmé la construction de l'amphithéâtre de Québec, version remaniée. Bon, ce qu'on a fait, on a baissé légèrement le nombre de places. On parlait de 20 000 places au début, ça va être maintenant 18 000. C'est comparable à Pittsburgh. Ça a tout à été ce qu'on a voulu faire du côté de Québec, un peu imiter ce qui s'est fait au Console Energy Center à Pittsburgh. Ben, c'est une belle réussite, ça. Ouais, ben c'était bien fait. Je peux comprendre. Pour une équipe qui risquait fortement de disparaître s'ils ne sortaient pas de l'igloo, c'était bien fait. Donc, ce qu'on maintient du côté de la ville, on va respecter notre budget de 400 millions. On a annoncé aussi que le site officiel n'allait pas être où est-ce qu'on voulait le faire à l'origine, ça allait être plus sur l'hippodrome. Va falloir faire des bons aménagements au niveau du site, au niveau d'exposité. Du stationnement. Pas juste du stationnement, c'est pour se rendre dans cette partie-là du site. Parce que bon, c'est un peu... c'est un très grand site. Où est-ce qu'on voulait bâtir ça? Bon, il y a des autoroutes qui ceinturent le tout. Le quadrilatère, si on veut. C'est un peu à un extrême et l'autre du quadrilatère. Plus ou moins. Imagine un grand terrain. Ouais. Bon, OK. L'UQTR. Au début, on voulait construire le Colisée dans le stationnement qui est au coin des Forges et Récollet. Mm-hmm. Là, le Colisée, bon, on s'est rendu compte que cette partie-là du terrain avait déjà eu des usines. Le sol était contaminé. On parlait de 40 millions pour décontaminer tout. Régis Labon m'a dit, t'es-tu malade, on paiera pas ça, on va le mettre ailleurs. Alors là, on va un peu le bâtir au coin de Récollet et c'est Sainte-Marguerite qui est en bas, ouais. Jean 23, Sainte-Marguerite. Donc, ouais, OK, un peu plus à l'écart, un peu plus... On est beaucoup plus loin, là. C'est pas tout à fait le même. On va le bâtir où est-ce qu'il y a l'hippodrome, dans le fond, là. Mais l'hippodrome, en fait, l'ancien Colisée est juste à côté aussi. Oui, c'est ça. On va être un peu dans cette zone-là. Et puis, le Ludoplex va être appelé à déménager. Exactement, le Ludoplex va lever les pattes parce que... Ça, il n'y a pas le choix. La Ligue nationale ne veut pas être... T'as tout compris. Info, c'est pour démontrer à la Ligue nationale qu'on est sérieux. Pourquoi il n'y a pas d'équipe de hockey, de football, de basketball, de soccer à Las Vegas? Les paris, bon, non, c'est ça. Tout ça. Donc, on s'est dit ça, on va tasser ça, tout ce qui est Paris, l'Auto-Québec, tout ça, on va aller ailleurs. Ça, t'as pas choisi. Mais là, ça va être déménagé ou ça va être complètement ça retiré va être parce que ça fonctionne plus ça ou moins? Ça va être déménagé. Okay. Les machines à sous, tout ça, vont être déménagées. On s'en va au centre-ville. Donc, la première pépine devrait être sur le site en septembre 2012. Ah, même pas demain? Non, pas demain, malheureusement. Septembre 2012, on a, je pense, Expo... Exposité. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des expositions, des choses qui se déroulent l'été, donc je pense que ça commence, c'est ça, immédiatement. J'avoue, il y a des obligations. Ouais, ben, gars, tu veux tout ficeler, là, bon. On veut s'assurer aussi, on a une réserve de 73,5 millions pour s'assurer de pas trop dépasser les coûts. On le sait, au Québec, dépassement de coûts et construction, c'est un peu synonyme. Et ça va être dépassé, c'est assumé par Québécois. Assumé par la ville, moi, je suis pas mal sûr. Je vois pas pourquoi Québécois mettrait plus là-dessus. Québécois est le locataire. C'est lui qui va gérer, va investir dans la. C'est un investissement, je pense, de 40 millions de la part de Québécois Média pour la construction de bureaux, de studios, exactement. Mais s'il y a des dépassements, il y a deux groupes qui construisent le Colisée. Le gouvernement du Québec qui donne 200 millions. Le maximum, le reste, c'est la ville de Québec. Donc, c'est là pourquoi là, la ville de Québec va devoir assumer les coûts si dépassement il y a. Donc, bonne nouvelle. La question, penses-tu que les Nordiques seront de retour? Oui, c'est sûr. Je ne sais pas. C'est sûr. C'est sûr, Nick. Et avant le temps même, je pense qu'on va les amener au Colisée parce qu'on a rénové le Colisée. Moi, je pense là, que... Une chose est sûre, en effet, on va rénover le Colisée, ça va se faire cet été. On parle de nouvelles bandes, entre autres, de quelques 4 millions environ. Pour déjà commencer. Est-ce que les Coyotes, appelons-les les nouveaux Nordiques, vont être rentables au Colisée de Québec? Probablement pas, ça va être très difficile. Je sais pas. Le Colisée a combien de places? 15 000 environ. 15 000? Ouais. C'est pas énorme. Ah, ils peuvent pas être plus qu'à Phoenix. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net et certain. Par contre, bon, ça va dépendre, mais la question, c'est vraiment une question de volonté. Parce que du côté de Québec, on a annoncé le nouvel aréna. C'est pas fait à Seattle, Kansas City. Ils ont une nouvelle aréna, mais ils n'ont pas vraiment de propriétaire. On a un propriétaire solide à Québec qui est prêt à acheter du côté de... On a de l'argent, on a les moyens, on a la visibilité parce que, bon, tu sais, les Québécois, en fait, c'est ça. On va s'occuper de tout ce côté-là. Yeah. Tu sais, en fait, moi, je pense qu'on pourrait, avec les produits dérivés, peut-être pas être rentable, mais de toute façon, très loin. Je pense que... Si Pierre-Carl Péladeau achète une équipe et l'amène ici, s'attend à perdre des millions les premières années. Oui, c'est ça. C'est pas une question. Mais tu sais, en tout cas, il va aller en rechercher à des places. C'est ça. Mais c'est du côté de la Ligue nationale. La volonté est vraiment là, là. On tente toujours de sauver la face avec Phoenix, de trouver un autre investisseur qui va payer ce club-là 100 millions, un prix ridicule, alors que... parce que là, le club appartient à la Ligue nationale. Donc, dis-toi la chose suivante, il faut... Si Pierre-Carl Péladeau paye 200 millions pour ça, ben c'est 100 millions supplémentaires qui s'en va dans les poches des autres propriétaires qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec les Coyotes de Phoenix. Ah, qui s'est perdu de l'argent avec cette concession-là. On parle de 25-30 millions par année. Puis en plus, là, l'équipe est subventionnée par la ville de Glendale parce qu'ils veulent absolument avoir quelqu'un dans leur amphithéâtre. C'est sûr. Et là, la mairesse de Glendale a dit qu'il y aurait un locataire de moins dans son aréna l'an prochain, un important locataire. Elle l'a pas nommé, mais... Je sais pas comment vous dire ça, là, mais à Glendale, dans la région de Phoenix, les Suns ne jouent pas à l'aréna de Glendale, ils jouent à l'aréna de Scottsdale. Donc, un important locataire pour Glendale, ça m'étonnerait que ce soit le Cirque ou les Harlem Globetrotters qui viennent une fois par année. Ouais, ça ressemble beaucoup... Beaucoup au Coyotes de Phoenix. Donc, ça va être super intéressant à suivre. Ça s'en vient. Puis, et on pourra pas trop niaiser pour cette annonce-là. Ça s'en vient. Ça va se faire très rapidement. Non, c'est ça. Puis, pourquoi d'ailleurs, il l'a annoncé aussi hier, l'avenue du Colisée, d'après moi, en tout cas. C'est ça. Ça travaille la dette. On a refusé toutes les questions sur le hockey professionnel. Il ne voulait rien savoir de ça. Parce que M. Lavombe va se fâcher. C'est exactement ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire en finissant? Patrick Arouet derrière le banc. On le verra pas à Montréal, on va le voir à Québec. Peut-être, oui. Ça s'annonce comme ça, je pense. Peut-être. C'est une forte possibilité. Ouais, ça serait un gros coup. Et en terminant rapidement, l'Impact qui était défait 2-0 en fin de semaine. Très mauvaise performance de l'officiel du match qui a. Mais pas ça, c'est la faute du ref. Qui a expulsé Jeff Brodowski à la. Il courait après. Non. Jeff Brodowski, là, qui a été expulsé à la 15e minute. Et a même donné un pénalty au Crew, ça a scié les jambes de l'Impact, ça n'a rien donné de plus. Bien, fini. Et du côté du Carongué, deux victoires en fin de semaine. On est à la limite des séries éliminatoires, là. Ça devrait bien aller du côté du Carongué. Attendez-vous à des séries éliminatoires à Trois-Rivières. Et c'est ce qui conclut ma chronique de sport en ce lundi matin. Merci beaucoup, Nicolas Ducharme, journaliste à l'écho de Trois-Rivières. Ben merci, ça me fait plaisir. Merci. Très apprécié. Oui, toujours. Ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain entre 7h et 9h avec, évidemment, notre amie Stéphanie Gagné en direct de Gatineau pour sa chronique Ton plat favori. On aura aussi à voir Gabriel Degrasse, sa chronique aléatoire. Et Marie-Pierre Laforge-Bourret sera de retour pour sa chronique littéraire. On remercie Ariane Cossette de l'AGE pour nous avoir parlé de la grève générale illimitée, de la fin de tout ça. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission. Évidemment, Nicolas Ducharme, puis c'est pas mal ça. Hein, ouais. Ouais. Sinon... C'est ça, le matin? Ouais. Ben, Xavier, c'est pas pointé. Puis Kiwan non plus. Mais qu'est-ce que veux-tu? La semaine prochaine, hein? Hey, je suis fier, je devrais avoir... Ouais, c'est quoi ce sourire-là? Je devrais clairement avoir leur cachet, là. Clairement, hein? C'est à peu près ça, le chèque est dans l'air. Changer de téléphone, bon, c'est intéressant. N'oubliez pas d'aller voter pour les élections à partir de ce soir minuit, hein? Donc ce soir, minuit jusqu'à jeudi 29 mars. Et puis le débat sur nos ondes à partir de 17h. Et voilà, 5 à 7, hein? 5 à 7, le débat sur les ondes de... Je suis content de ne pas avoir à gérer cette année, c'était juste... T'es chanceux. Hey boy, c'était l'enfer l'an passé. Allez voir sur ageuqtr.org pour en savoir plus. Oui, passez une excellente journée. Merci François. Merci Mathieu. On se quitte avec du Rococo, l'une des très excellentes nouvelles entrées du palmarès anglophone. On écoute Empire. Bye, bye, bye.